que je chante. Ce temps-là, je n'avais jamais cassé de guitare encore, jamais volé de disque au drugstore. La maison des jeunes, c'était pas Hollywood. On n'avait pas Bardo, pas Nathalie Wood. On jouait Telstar à nos nuches platoniques qui nous envoyaient des baisers romantiques. C'était doux. À chavirer à cause d'une couturière. Et ce minimum a changé ma vie. J'aime un maximum ce mini Marie-Couante. Marie-Couante, qu'as-tu fait de moi? Dis-moi. Les études.